Chapitre 15. Fourcade, ange gardien. Chacun sait que le temps remplace l'argent et réciproquement, ceci étant exact pour tous les pays du monde, bien qu'il soit traditionnel de l'exprimer en anglais. Aubry, qui ne disposait que de très peu de temps pour influencer Jean Mareuil Freddy, avait reçu de Madame de Praz, par l'intermédiaire de Lionel, les fonds nécessaires pour mener rondement la mission délicate qu'il devait accomplir. Dès que Lionel l'eut quitté, Aubry ouvrit un portefeuille que le jeune homme lui avait, en effet, remis avec une discrétion qu'il savait fort bien devoir être appréciée. La somme qui s'y trouvait le contenta. Et c'est pourquoi le barque de la Coterie fut cette nuit-là le lieu d'une petite fête des plus réussies. Simulant l'ivresse de celui qui a fait un bon coup, sinon gagné le gros lot, Aubry joua le personnage du bon poivreau qui dépense sans compter et veut régaler tout un chacun. C'est ainsi qu'il put s'asseoir à la même table que Freddy la Couleuvre sans paraître l'avoir recherché. Freddy n'en sembla nullement étonné. La chose était toute simple. Parmi les buveurs qui fumaient, il fumait en buvant, et Java, accoudé à son épaule, la main flattant les cheveux de son homme, ne disait rien, heureuse d'être là, contre lui. Elle reconnaissait en Aubry le quidam de l'hôtel meublé, mais ne trouvait rien d'extraordinaire à s'être rencontré, dans le quartier même, avec un type qui devenait un habitué du bar. Aubry manœuvra. Agité, paraissant ne pas pouvoir tenir en place, il se levait sans cesse pour se rasseoir ici et là autour de la table. Complaisant, ses invités lui réexpédiaient son verre qu'il remplissait chaque fois sans ménagement. Il n'eut garde de rester auprès de Freddy plus longtemps qu'il ne fallait. Mais les quelques mots qu'il lui adressa furent capiteux, ils étaient empreints de confiance. Et certains sous-entendus, qui pouvaient être interprétés comme une imprudence d'ivrogne, laissaient planer un doute suggestif sur la provenance de ces richesses qu'Aubry dilapidait si magnifiquement. Freddy et Java l'écoutèrent sans ciller, avec la même physionomie de belles brutes fortes et rusées, et ce sourire ambigu qui n'a rien de rassurant, et dont on pourrait dire qu'il fait loucher les lèvres. Les soucoupes s'empilaient en colonnes. Les assiettes anglaises se succédaient. On redemandait de la bière, du vin bouché, de la moutarde et des cornichons. Des convives, les uns jouaient aux cartes sans plus se soucier de leur amphitryon. D'autres, flairant quelque aubaine à venir, le courtisaient avec une astuce grossière. Aubry, lucide et clairvoyant derrière son ébriété d'emprunt, les observait, l'un d'eux surtout. C'était un jeune employé, à ce qu'il semblait bien. Nul camarade ne l'accompagnait. Malgré les visibles efforts qu'il faisait pour paraître à son aise dans ce milieu spécial, on l'y sentait dépaysé, il buvait peu et ne fumait pas. Placé non loin de Freddy, il regardait ailleurs constamment, détail qu'Aubry ne laissa pas échapper, tout en regrettant qu'une oreille ne soit pas comme un œil, c'est-à-dire qu'on ne puisse voir si elle écoute ou non, comme on voit qu'un œil regarde ou ne regarde pas. Il y a quelque chose d'agaçant dans l'aspect immuable et inexpressif de l'oreille. On ne sait jamais ce qu'elle fait. Fine ou sourde, distraite ou attentive, allez donc deviner où elle est. Dort-elle? Entend-elle vaguement le monde des bruits? Ou bien, au milieu de ces bruits, s'attache-t-elle à ne rien perdre d'un murmure, d'un colloque? Les animaux, à la bonne heure. Il en est, et c'est la plupart, dont l'oreille se dresse, pivote, prend le vent. Leur écoute est visible. Mais l'oreille humaine, foin de cet organe qui fait l'imbécile et n'en pense pas moins. Cependant, le jeune employé, qui affectait de ne point regarder Freddy, tournait de son côté l'une de ses sournoises oreilles-là. Et Aubry, pendant un certain temps, ne vit plus de tout le bar que cela, ce profil avec une oreille au milieu, ce profil qui prenait toute l'importance d'une face, une face acoustique, une face observatrice, à cause de son centre, l'oreille. Celui-là, il fallait le faire parler. Aubry se souvenait de l'avoir vu déjà, ici même. Il se leva une fois encore, alla jusqu'au comptoir où il acheta des cigarettes et se laissa tomber lourdement sur une chaise qu'il avait harponnée en route entre un gros père béat et l'homme à l'oreille suspecte qui s'effaça pour lui faire place. Il s'effaça trop civilement. Cela sentait l'éducation, le garçon rangé, le jeune homme sage. Aubry l'interpella avec une jovialité tonitruante, rehaussée de grandes tapes familières. L'autre s'efforça de montrer bon visage. Mais il se contraignait certainement. Alors Aubry le fit boire, s'entêtant avec une ténacité d'alcoolique. « Excusez-moi, dit enfin son martyr, je n'ai pas bien l'habitude, voyez-vous. » « Alors, ah alors !» bredouilla Aubry, la langue fictivement empâtée. « Qu'est-ce que tu fiches là ?»« Comprenez-moi, monsieur, je suis un écrivain, c'est pour me documenter. »« Mince alors !» mâchonna Aubry, « t'as pas la trouille !»« Hé, ah, les potes, écoutez voir, il y a le copain là qui est journaliste !» On ne l'écoutait pas. On ne l'écoutait plus depuis longtemps. Chacun menait l'heure à sa guise. Freddy et Java s'apprêtèrent à sortir avec le chien Benko. Aubry, comme péniblement, fit de même et bafouilla. « Je m'en ai... Aé où ? Je m'en ai... Aé où ?»« Non, mon petit papa, tu ne t'en iras pas avec nous, lui dit Java. On n'a pas besoin de toi. » Et puis, t'es trop saoul. N'êtes pas des copains, hoqueta Aubry. Ah, dis, Freddy, t'es pas copain, c'est... Freddy haussa les épaules. J'y, siffla-t-il entre ses dents. Caleton, c'est ta barbe et comment? Freddy, implora l'espion, donne-moi la main. T'es un amiche tout de même, va. L'apache Jean Mareuil lui toucha les doigts d'un geste passif et se retira avec son petit cortège de gigolettes et de caniches. Mais Aubry se réjouissait, connaissant la solidité des relations nouées le verre en main, quand l'aramon et le fil en quatre coulent à discrétion et gratissent pro déo. C'était un bon début. Il aurait parié que le soi-disant écrivain s'esquiverait sur les pas de Freddy. L'événement confirma sa croyance. Mais, prudent, il remit à plus tard de percer à jour la véritable identité de ce blanc-bec qui paraissait, lui aussi, surveiller les faits et gestes de Jean Mareuil, Freddy la Couleuvre. Et, gêné par ce nouveau suiveur, force lui fut de s'en tenir, cette nuit-là, à ce qu'il venait d'apprendre. Dès son réveil, vers les 9h du matin, Aubry s'empressa de se rendre au bureau de poste le plus voisin pour téléphoner à Madame de Praz. Il n'avait plus d'argent et désirait moins qu'on lui en redonnât. Il aurait prêté à Madame de Praz toute sa petite fortune, placement de premier ordre, que savoir s'il devait continuer à opérer d'une façon aussi coûteuse. Madame de Praz lui répondit qu'il ne devait lésiner en rien, que l'essentiel était d'aller vite en besogne et qu'il eût à dépenser sans compter. Au surplus, elle n'entendait pas qu'Aubry fît l'avance de la plus petite somme et elle souhaitait qu'il passât, le matin même, chez son notaire, à qui elle allait téléphoner immédiatement de tenir prêt 10 billets de 1 000 francs. Elle donna l'adresse de l'officier ministériel et s'enquit, à mots couverts, du résultat de la nuit. Aubry comprenait fort bien le sens de ces paroles, mais tout autre que lui ou Lionel n'y aurait rien démêlé, tant Madame de Praz s'appliquait à voiler l'acception précise de ce qu'elle confiait au téléphone. Pas un mot compromettant, pas un seul nom propre. Le concierge croyait la voir dans son cabinet de travail austère, assise à son secrétaire empire et chuchotant, dans un murmure de confessionnal, ces phrases précautionneuses qui avaient l'indécision même de son visage brouillé. Lui, les talons joints, téléphonait cérémonieusement et s'inclinait avec componction toutes les fois que la déférence l'y provoquait. Quand elle eut raccroché l'appareil, il demeura quelque temps encore aux écoutes, par respect. Puis il se rendit à l'adresse indiquée pour toucher les 10 000 francs. Les panonceaux de cuir reluisaient au-dessus d'une importante porte cochère. Aubry monta un escalier privé, poussa une porte qui disait en grosses lettres « Études » et se trouva dans une salle où une dizaine de jeunes gens, chacun à son bureau, minutaient, grossoyaient ou compulsaient des actes. Il s'expliqua avec l'un d'eux qui le pria de s'asseoir, ce qu'il fit en déployant un journal. Sur ce, avec fracas, une porte basse s'ouvrit et un homme, jeune encore, plein d'assurance et vêtu avec une parfaite correction, demanda d'une voix dominante si Fourcade était arrivé. Un clerc d'un ton dévoué le renseigna. Non, Fourcade n'était pas encore arrivé. « Vous lui direz, dès qu'il sera là, de venir me trouver, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Mais j'entends qu'on monte. Il me semble que c'est son pas. » C'était bien le pas de Fourcade. « Ah, Fourcade !» dit le notaire en voyant entrer le nouveau venu. Aubry leva subitement devant sa figure le journal qu'il tenait et s'en fit un masque. Il venait de reconnaître dans le dénommé Fourcade le petit employé, l'écrivain, qui n'avait pas l'habitude de boire. Cependant, le notaire s'était avancé délibérément au-devant du dit Fourcade et lui demandait tout bas « Eh bien, rien de nouveau cette nuit ?»« Rien d'intéressant, monsieur. »« Bon, bon, vous avez l'air fatigué, Fourcade. »« Ah, monsieur, on le serait à moins. » « Eh bien, reposez-vous. Ne venez plus le matin que pour me rendre compte. » Mais, très dégagé, le notaire avait déjà regagné son cabinet et Fourcade se dirigeait vers une salle plus reculée où d'autres clercs, courbés sur d'autres paperasses, ressemblaient admirablement au premier. Cette circonstance permit à Aubry de se tirer d'affaire sans être reconnu lui-même de Fourcade, introduit dans le bureau du principal. Celui-ci l'informa qu'en effet, la comtesse de Praz lui avait téléphoné tout à l'heure en l'absence de maître Feuillard et lui fit verser par le caissier de l'étude la somme convenue. Aubry lisait maintenant sur les dossiers, sur les liasses d'archives, le même nom, maître Feuillard. Il était chez maître Feuillard et ce maître Feuillard employait l'un de ses clercs à surveiller Freddy la Couleuvre. Et Aubry le savait. Aubry connaissait tout de Fourcade maintenant. Et Fourcade, lui, ne le connaissait pas en tant qu'Aubry, et maître Feuillard, lui, ne le connaissait pas du tout. Ni l'un ni l'autre ne l'avait vu, là, derrière son journal. Maître Feuillard saurait sans doute qu'un certain Aubry avait touché 10 000 francs à sa caisse, d'ordre de madame la comtesse de Praz, mais il ignorait le visage de ce certain Aubry. Quant à Fourcade, jamais il ne pourrait établir de rapport entre l'ivrogne du bar et l'homme au journal qui était venu toucher de l'argent. Un coup de fortune venait de mettre Aubry en possession du secret qu'on lui avait demandé de rechercher. Une grande jubilation dilatait sa poitrine. Comme il arrive toujours lorsqu'on bénéficie d'un hasard, une poussée de vanité lui montait à la tête. Il avait hâte de faire connaître la bonne nouvelle à Madame de Praz. Mais il ne voulait pas se montrer à Neuilly. Livré en nom propre à la discrétion si relative du téléphone, était une imprudence qu'on eût pu non moins lui reprocher. D'autre part, s'expliquer par circonlocution lui semblait une tâche au-dessus de ses forces. Il écrivit donc sur une carte pneumatique à l'adresse de Lionel et d'une écriture contrefaite « Monsieur le comte, la personne que vous désirez savoir, laquelle s'occupe de ce que vous savez, s'appelle Maître Feuillard, notaire. Veuillez agréer mes salutations dévouées, Tournon. » Et, fier de lui, gonflé à bloc de suffisance, verni d'orgueil, attribuant à son génie l'aubaine qui ne devait qu'au sort le plus fantasque, Aubry fit avaler la carte bleue par la bouche métallique de la boîte aux pneus, comme on donne à un petit pauvre une friandise de choix.